voilà. La croix du sommet. Volca. Non, Volca tout de suite là. Elle est partie. C'est où bien là? Allez, viens. Bonjour. Viens là. Volca. Volca. Ici. Ici. Ici. Viens là. Maintenant, on est. Mets ta veste, Mets ta veste. Le sac est là.